Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bon anniversaire Tom. Merci, bon anniversaire Phil. Ouais, bon anniversaire le Rock Far Show, quoi. Ouais, bon anniversaire les auditeurs, bon anniversaire tout le monde. Et puis aujourd'hui c'est l'anniversaire de Valérie, alors on lui fait un gros bisou à Valérie. Et on était synchrone là, hein. Ah grave. Hein, grave synchrone. Pas que. Alors merci de mettre de l'écho. Non mais il nous fait n'importe quoi. On a l'impression d'être dans les années 80. Oui, fais tourner la boule à facettes. Super Tom. Tom il a trouvé des boutons sur sa platine. Alors maintenant il fait des petits trucs comme ça. Hein, on m'a montré. Non, mais je te montre. Non, arrête tes conneries. Je te mettrai un truc quand ça me fera pas rire. Tu verras. Parce que moi aussi j'ai mes petites jingles et je les mettrai aussi. Sauf que t'es pas... Si, mais moi j'ai un micro là, puis j'ai un ordinateur là. Ouais, mais c'est loin, donc on va rien entendre. Alors. On verra Tom, je vais mettre à hurler dans la maison. Bon allez, ce soir, anniversaire du Rock For Show, 34 ans. On vous promet encore une année, hein, une bonne année de métal à la radio avec Tom. Et puis peut-être d'autres, si d'autres veulent nous rejoindre. Voilà, ce soir on aurait dû être avec d'autres animateurs, on aurait dû être avec plein de monde et plein d'autres choses. Et on aurait même pu être aussi, ouais, tu as raison Tom, on aurait pu également être avec Warrell Dane qui nous a quitté hier ou avant-hier à l'âge de 56 ans. Voilà, d'un arrêt cardiaque. Ouais. Hein, c'était le chanteur de Nevermore. Voilà, donc on est vraiment désolé. Donc on a commencé avec Corrosion of Conformity. Et puis bah là, ce que vous entendez en fond sonore, bah c'est Nevermore. Et juste avant, c'était Happy Birthday! Yes! Ouais, c'était Happy Birthday. On a trouvé ça, c'était sympa. Et puis on s'est dit pourquoi pas. Puis on vous le passera à la fin de l'émission aussi. Parce qu'on est happy comme ça. Happy Birthday! Hein, Rock for Show! Happy Birthday! Rock for Show! Donc on va vous saouler toute la soirée avec Happy Birthday. Hey, Phil! Ouais! Bon anniversaire! Ouais! Non, moi c'est en janvier. Rappelle-toi, c'est en janvier. Hein, mais cette année, on va peut-être faire tu crois qu'on fait un PMFF? Ouais. On le fait? Bon, on le fera dans ton salon alors. Ouais, voilà. On va faire un PMFF privé 43 groupes. Ouais, mais dans le salon. Dans mon salon. Voilà. Ça va être bien. On va mettre que 43 guitares ou les photos des groupes. On mettra les photos des groupes puis on passera de la musique. Hein. Ça tombe bien, c'est le nombre de carrages qu'il y a. Allez, Corrosion of Conformity qu'on vous a passé tout à l'heure en intro de fond sonore. C'est tiré de l'album No Cross, No Crown qui sortira le 12 janvier 2018. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas pressé trop comme ça. Hein. C'est ça là ce qu'on entend? Non, ça, non, c'est Nevermore. C'est Nevermore. Tu veux donc, c'est ça. Ah, c'est ça, Corrosion. Voilà, Corrosion, le CD fait 15 titres. Et puis on vous en parlera donc en janvier. C'est sorti chez Nuclear Blast, bien entendu. Le groupe s'est né en 1982. Allez, on passe à autre chose. On va passer aux nouveautés, aux petites choses qu'on n'a pas encore passées, qu'on aurait dû, mais on n'a pas eu le temps. Avec Machine Head. Alors ce n'est pas l'album de Deep Purple. Non, c'est le groupe Machine Head. Hein, le groupe Machine Head. Ah oui, Machine Head, parce qu'il n'y a pas un groupe qui s'appelle Machine Heads aussi. Ah, Heads. Heads, je sais ouais, pas. Le Heads. Non, là c'est Machine Head tout Heads. Court. Sans cesse Machine Head. Ouais, sans cesse. Ouais. Et l'album s'appelle Catharsis. Mais le titre du morceau que l'on va passer, mon cher Tom, ce Beyond soir. Beyond the Pale. Bien The Pale, peut-être. Ouais, The Pale. Parce que Pale, c'est la nourriture pour chiens, ça. Ouais. Ça n'existe plus d'ailleurs. Je crois que là, ça, ils ont changé. Donc, Catharsis sorti chez Nuclear Blast. Oui, et non, sortira le mois prochain chez Nuclear Blast. C'est quand le 26 janvier. Voilà. Donc, c'est en exclu chez nous. Il y aura 15 titres. C'est un quartet de trash technique. Formé en 1992, ils nous viennent d'Auckland, aux USA, et sont en concert partout en France, fin mars, début avril, donc le 22 au 106 à Rouen, le 24 à Paris au Bataclan, le 26 ils vont à La Rochelle, ils sonneront la sirène, je sais, elle est facile, après ils ont Rocher petit de Palmer, poisson, ouais, petit poisson sur le Rocher de Palmer à Bordeaux le 27, on redescend après Toulouse le 8 avril au Bikini. Ça reste dans l'eau, hein, ouais, Bikini, bah, sirène. Ouais. Et après on va au cabaret Aléatoire Je ne connais pas. À Marseille, le 9, à Lyon, le Transborder, bien sûr. Et à Strasbourg, ils seront donc le 24 avril. Vous l'avez deviné, bah, à la Laiterie, bien sûr. Voilà, c'est bien, Tom. Je suis fier de toi. Les grandes salles françaises. Voilà. Je ne connaissais pas le Rocher de Palmer à Bordeaux et le Cabaret Aléatoire de Marseille. Mais remets ton bikini, hein, parce que là, franchement, oui, je connais, c'est ouais, pas beau. Hein, d'ailleurs, au passage, je salue Mathieu et Julien de chez Mat Promo qui ne sont pas au bikini, mais au métronome. Voilà, c'est très bien. Allez, on continue avec encore de la nouveauté avec The Dead Centuries. Oui, et leur album Wells Against Time. Et le morceau que l'on va écouter ce soir s'appelle Reboot. Tu reboot. Non mais reboot pas ton ordinateur, mon dieu. Tout, mais pas ça, mon cher Tom. Autoprod qui sortira le 26 janvier également. Voilà. Premier album, 10 titres. C'est des caribous. Ouais, des Canadiens, c'est vraiment bien. Franchement, moi j'ai craqué. Il m'a envoyé ça quand mon cher. D'ailleurs, on va le saluer, mon cher John. John Asher. Hein, il m'a envoyé ça quand dès qu'il me l'a envoyé, j'ai dit ouais, je prends, c'est vraiment excellent. C'est du prog metal instrumental, vous allez voir, mais alors c'est du feu de Dieu. Même de Dieu, du diable même. Hein. C'est du feu de diable. C'est excellent. Alors ça, je vais vous laisser le découvrir. Ça s'appelle comment déjà ? Ça s'appelle The Dead Centuries, ouais, avec leur album Wells Against Time et le titre Reboot. Alors pas avant janvier quand même, hein, pour l'acheter, mais vous pouvez déjà aller voir sur la page Facebook du groupe. Hein. Franchement, excellentissime groupe, superbe. Autre excellentissime groupe, Orphaned Land. On attendait l'album, il sortira le 26 janvier 2018. Mais ils sont tous donnés le mot, 26 ouais, janvier. Ouais. Et le 25 sera l'anniversaire de mon papa. Le 26, donc, chez Century Media. L'album s'appelle Unsung Prophets and the Messiahs. Et le titre que je vous propose de découvrir, je vais le laisser à Tom. C'est très simple, c'est Tom qui va l'annoncer. Only the dead have seen the end of the war. Merde, il a réussi. C'est bien, t'as réussi à. Mais t'as parlé comme ça, ils ont rien mais entendu. Mais oui. Non, mais c'était. Only the dead have seen the end of the war. C'était pour pas qu'ils entendent ton accent pourri en anglais, ouais, plus pourri que le mien. C'est comme, faut le dire hein, quand même. Hein. L'album fait parce combien de titres pourri aussi, c'est vrai. Ah bah, même pire que ça, même. Il est archi pourri. C'est 13 titres, c'est leur 7e album studio. Ils nous viennent d'Israël. Ils ont été formés en 91. Ils sont chez Century Media. Voilà. Exactement. Et la ville s'appelle Bat-Yam. Parce que j'ai posé une petite question aujourd'hui au bureau. J'aurais demandé où se trouve Bat-Yam. Aucun n'a été capable de me répondre, sauf un. Mais après avoir éclusé tous les pays, donc c'était un peu plus facile. On enchaîne avec un groupe. Ils sont quoi ? Ils sont allemands ? Ouais, je crois. J'ai pas marqué, je sais plus. Si, ils sont allemands. Bien sûr qu'ils sont allemands. Puisqu'ils nous viennent de. Ludwigsburg. Ludwigsburg. Ludwigsburg. Alors, bah tiens, on va pas dire le nom du groupe. Qui vient de Ludwigsburg et qui sort son album, enfin c'est pas un album, c'est un EP, le 9 décembre. Alors là, vous allez chercher le a 9 sorti, décembre. A sorti son album le 9 décembre. Son album s'appelle Masters of Darkness, c'est un EP. Master of Darkness, il contient 4 titres. Et le titre qu'on vous propose de découvrir ce soir s'appelle Master of Darkness. C'est du death gothique. Ouais, ça sort chez Massacre. C'est pas mal, hein, c'est vraiment très bien. Je dirais même que c'est très c'est atroce hein, quand même. Hein. Dans la ville, c'est atroce dans la ville. Voilà. Ça, c'était pour donner un petit indice supplémentaire. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre ? Le groupe s'est formé en 1985. Tom, il a largué. Il a tout largué. Tom, il regarde des photos de cul je sais pas quoi. Là, il a tout largué. Tout ça parce que la fille, elle a une bougie dans les fesses, mais il n'y a pas marqué 34 ans. Hein. Non, mais oh. Ouais, c'est le Rockfort Show là ce soir. On a 34 ans. On fait les fous. On a bu de l'eau. Hein, c'est surtout ça. Et puis, on vous en balance de la musique. Allez, c'est parti maintenant, tout de suite, avec Machine Head. On se retrouve dans 4 morceaux. Si vous voulez nous envoyer des bougies, parce qu'on est à la dèche, envoyez-nous des 80, photos de bougies. 06 80 01 28 34. 06 81 01 28 34. C'est parti. We'll be right back. Retour dans les studios, vous êtes toujours à l'écoute du Rock for Show. On va en profiter pour vous rappeler que c'est les 34 ans du Rock for Show. Happy birthday to you, Tom. Happy birthday to you, Rock for Show. Happy birthday to you, Rock for Show. Et happy birthday to you à tous nos invités, parce que. Enfin, à tous nos invités, n'importe quoi, à tous nos auditeurs. Parce que ça fait quand même 34 ans que vous nous supportez. Hein. Peut-être que vous êtes partis d'ailleurs depuis, je sais pas. Mais en tout cas, peut-être voilà. Que vous avez rejoint les neiges éternelles. Et en tout cas, on va souhaiter également un bonsoir à monsieur Eric Flynn. Ah, bonsoir, patron. Salut, patron. Voilà. Un patron de Radio Québec. Et on souhaite un bonsoir, même s'il nous écoutera que lundi, ou peut-être qu'il nous écoute ce soir aussi. Ouais, et puis on souhaite. Un Metal Evasion, Mister Sydney. Sydney, bah. Voilà. On lui souhaite. Bien, une bonne soirée. À l'écoute du Rock ouais, for Show. Et puis les gars, si vous voulez nous envoyer des cadeaux, parce que vous êtes les patrons, mais c'est nos 34 ans quand même. Ouais. On les reçoit avec plaisir. Mais c'est vrai, c'est tout vrai. Ce que vous voulez. Même je dirais que les auditeurs, d'habitude, c'est nous qui vous donnons des cadeaux. On va vous en donner encore ce soir, parce qu'il y a des places de concert à gagner. Mais vous pouvez nous envoyer des cadeaux aussi. Hein. Hein puis ça vous coûte rien en plus. Vous nous envoyez des images, vous nous envoyez des petits mots. Hein. Vous allez sur le forum, pas le forum, le Facebook du Rock for Show. Et puis vous pouvez nous mettre des petits mots, des petites phrases, même des petites vidéos. Hein. Nous, on est contents, ça nous fait plaisir. D'ailleurs, parce nous, aujourd'hui, on vous a quand on fait des petites vidéos, et ben on danse. Ouais, on va aller danser sur vos vidéos, puis on se filmera. Bon, on verra hein, si vous êtes sages. Hier, on vous a posté des petites vidéos. Enfin, aujourd'hui, on vous les a postées, puisque hier, on était en concert. Voilà. Bah, abuse pas quand même, sinon les gens m'entendent plus là. T'étais en concert. Bah, ouais, j'étais en concert. Voilà, en non, concert. Non, non, ça c'est de la caille, ça, ton truc là. Non, non, moi j'étais en concert. Et voir Dirk Schneider et puis Raven. Alors c'était très bien, c'était un très bon concert. C'était un concert sympa. Ouais, la machine du Moulin Rouge. Ça t'a rappelé un peu la machine, ça t'a rappelé des bons souvenirs. Ouais, ça m'a rappelé des quelques PMFF, les premiers, ceux de 2007, 2008 et 2009. Hein, ça c'était pas mal, c'était sympa, sauf que ça s'appelait la loco à l'époque. Et donc on vous a mis une photo d'Accept, mais surtout on vous a mis une vidéo de Accept qui dure 9 minutes et une vidéo de 5 minutes de Raven du concert d'hier. Donc si vous voulez aller les voir, allez les liker, allez marquer des choses, des commentaires. Il y a eu pas mal de commentaires mis sur la photo. Bah vous pouvez continuer, parce que nous on aime bien vous lire, chers auditeurs. Donc les vidéos et pour l'instant. Merci pour vos messages à tous ceux qui nous laissent des messages d'anniversaire. Ouais, pour l'instant les vidéos sont juste sur Philemol, enfin sur Philippe. Hein, Philippe Michel. Voilà. Sur le Facebook de Philippe Michel et je vais aller les mettre tout à l'heure là sur le Facebook du Rock for Show puisque c'était l'équipe du Rock for Show qui était au concert. Ce que vous entendez en fond sonore, le groupe s'appelle MF Crew. Et route 66, c'est ça, mon chieux ? Yes. Est-ce qu'on utilise la route 66 pour aller au bus Palladium ? Je crois parce que comme toutes les routes mènent à Rome, la route 66 mène au bus Palladium. Ah, c'est beau, il a fait des vers en plus, c'est bien ça, c'est bien Tom. Ce sera demain soir au bus Palladium avec Pink, Fireball et Graceful, mon cher Tom. Alors, yes. Il suit pas, il en a rien à péter. Non. Et qu'est-ce qu'on a entendu là, depuis le début de l'émission? La première plage sonore, c'était quoi? C'était des bons groupes, mon cher ouais. Philippe. Alors, il y avait Machine Head. Yes. Suivi de The Dead Century. Oui. Orphaned Land. Ouais, et Atrocity. Ah, voilà. Bien, on a fini j'y arrive par Atrocity. Quand même, j'y arrive. Et personne ne nous a envoyé un message en nous disant que c'était Atrocity. Pourtant, on l'avait tous dit, hein, que c'était atroce dans la cité. Mais bon. What's up, hein? Personne. Bon, bah tant pis pour vous. On va rejouer, hein, parce que nous, on aime bien. Et qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Bah non, c'est tout. Et donc, on va enchaîner sur des nouveautés. Justement, avec Pink Fireball, qui vient de sortir son dernier single, qui s'appelle Eva Green. Il y a d'ailleurs une petite vidéo sur Facebook, vous pouvez aller le voir. Donc, Pink Fireball, que vous pourrez retrouver demain soir avec MF Crew. Hein. Donc c'est une autoproduction qui sortira sur l'album Strange Voices en 2018 pour les Pink Fireball. C'est un groupe français qui nous vient de Paris. Alors on les connaît tous, hein, ceux qui sont dedans, puisqu'ils sont venus déjà dans le Rock for Show, enfin surtout Tom. C'est un premier album qui a été enregistré à Londres. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? C'est un quintet assez pop, psychédélique. Blues rock, bon, c'est un petit peu un gros melting pot et pas pop, non melting pot, mais pop ça marche aussi, qui nous vient de l'espace, ça c'est comme ça qu'ils se définissent et qu'ils et c'est teinté de sonorité 60-70, et donc vous pouvez aller voir le clip Eva Green qui est sorti le 4 décembre dernier, voilà. Et surtout, le groupe, ne les ratez pas, demain soir en concert au bus Palladium avec Graceful et MF Crew. On continue avec un autre groupe français qui s'appelle Amarcia, un groupe cher à mon cœur, à mon petit cœur qui bat pour ses 34 ans du Rock for Show. Le groupe s'appelle Amarcia, ils viennent de nous envoyer leur nouvel album qui s'appelle The Beast Within, la bête qui est en toi. Ils nous viennent de Lille. Yes. C'est leur cinquième album, 9 titres. C'est un quintet de metal prog formé en 99. Et ils ont une nouvelle chanteuse. Oui, qui s'appelle Amandine. J'adore ce prénom, Amandine. Puis j'adore l'Amandine aussi à manger. C'est peut-être pour ça que j'adore... Je mangerais bien Amandine, tiens. Allez, c'est un concept album qui nous ont sorti. Et le passage qu'on va vous proposer ce soir, c'est Temper 2, Temper... Ben alors, tu dis pas Tantrum. Tantrum. Ah non, je te laissais dire. Ouais, non, t'es à la rue. Qu'est-ce que tu regardes, là? C'est quoi cette fille au gros sein? qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Bah non, t'as tout dit, hein, à peu près, sur... ils se sont formés en 99, tu l'avais dit, je ça? Je l'ai dit aussi. Bon, bah t'as tout dit. Ouais, j'ai tout dit. Donc nous allons passer à Chevalier. Ouais, de la table ronde. Goûtons voir si le vin est bon. Goûtons voir. Oui, goûtons voir. Non, goûtons voir si le vin est bon. Bon, buvez avec modération, mais faites les fous, c'est bien, c'est l'anniversaire du Rock for Show. N'oubliez pas de nous envoyer au 06 81 01 28 34 des petites photos, des petites images, ou sur le Facebook du Rock for Show, ou sur le Facebook de Tom, hein, parce qu'il aime bien aussi. Sachant qu'il est privé, il n'y a pas beaucoup de monde. Voilà. Puisque j'y vais plus beaucoup. Donc Ouais, c'est vrai, tu joues le fantôme du Rock for Show, toi. Chevalier, ça nous vient d'où, mon cher Tom ? Ça nous vient de Finlande, d'Helsinki ! Yes ! Mais qui est donc d'Helsinki ? Ben, on salue la personne... Qui nous Tom. A fourni le CD de Chevalier. C'est ouais, Tom qui était au concert d'Alex pour le Music Away Festival. Hein, qui a eu lieu il y a quelques semaines maintenant. Et qui est un fan d'ADX. Et donc il était là et voilà. Donc, il est venu de Finlande pour venir voir ADX au Music Wise. Ouais, mais que pour eux. Hein. C'est marrant parce qu'il est venu que pour eux. Bon, et après, moi je lui tire mon chapeau de chevalier. Ouais. Et Chevalier, c'est le titre que nous allons découvrir de cet album qui s'appelle A Call to Arms. Ouais, c'est sorti chez Rockstars Record le 4 mars 2017. Exactement. C'est le premier CD. Il fait 6 titres. Et on œuvre un petit peu dans quelque chose un peu heavy speed, bien entendu. C'est un quintet qui s'est formé en 2016. Eh bien, je crois qu'on a terminé pour les présentations, mon cher Tom. On va donc partir en musique, mais avant ça, on va rappeler le numéro de téléphone sur lequel vous pouvez nous envoyer vos SMS. Ce n'est pas surtaxé, hein, donc allez-y. Profitez-en. C'est même illimité. C'est illimité, mais ouais. C'est pas pour ça qu'il faut harceler les fils. 06 80 01 28 34 et musique maintenant. C'est parti. We'll be right back. are several sorts of malignant men who are about the king, somewhere of the name of cavaliers, without having respect to the laws of the land, or any fear either of God or man, are ready to commit all manner of outrage and violence. Happy birthday to you, Rock Happy Fasho! Happy birthday to you, Rock Fasho! Bon, bah, nous sommes un duo, Tom et Phil. Si vous voulez nous engager, 06 81 01 28 34. Je suis payé au lingot d'or, d'accord ? Ah oui, mais moi aussi, hein, pareil. Hein. Mais alors, mon poids en lingot d'or. Moi, c'est ma masse. Ouais, ta masse cérébrale. Oh putain, il va pas y avoir grand chose. Hein. T'inquiète pas, moi je fais le poids. Hein. J'ai bien grossi là avec tout ce que j'ai bouffé. C'était bien. Hein. Monsieur ne mange que japonais. Et non, j'ai mangé libanais. Ah oui. Alors ? J'ai mangé les mezzés à non plus finir. C'était bon. Hein. Oh là là là que c'était bon. Allez, qu'est-ce qu'on a écouté en dehors de nos petits plats préférés ? Eh bien, Pink Fireball. C'était vraiment bien. Amarcia. Hein ? Eh, c'était frais, non ? Yes. Hein, c'était frais. Amarcia. Et surtout, n'oubliez pas, Pink Fireball sera avec MF Crew et avec Graceful. Ce sera demain soir à au Paris, bus. Au bus Palladium. Et il y aura un autre concert demain soir, enfin un autre concert, il y aura une release party non, ouais, c'est de pas un Silou. Concert, c'est une release party, ouais. C'est pas la même chose. Du groupe qu'on a reçu la semaine dernière et qui avait fait une petite session live en direct. Ce sera au Dr. Feelgood. Et vous pourrez retrouver la vidéo sur Facebook. Ouais. Et donc Silou qui sort son nouvel album Motel. Voilà, il est sorti le 15 décembre. On est combien aujourd'hui ? Bah on est le 14, bah ça sort demain. Bah oui, c'est la release party. Bah oui. Il est con ce filou. Enfin, c'est pas grave. Il est con, il est con. Con. Ouais. Je t'en prie. Moi j'ai le droit de le dire, pas toi. Hein. Ça suffit maintenant. Attends, il va se prendre des claques. Vivement qu'on passe de la musique. Hein, parce que, ayons, j'en peux plus. Ouais, mais avant donc, de passer de la musique, il faudrait que tu prennes un chevalier. Ah. Oui, c'était chevalier juste avant qu'on reprenne l'antenne. Groupe finlandais. Voilà, ce que vous entendez en fond sonore, mon cher Tom, je te laisse tout annoncer. C'est New Model Army qui sera en concert demain au Trabendo à Paris. Ouais, bah c'est et bien. Et ce qu'on est toutes, c'est le titre Winter. Ça va pas vous endormir, mais presque. Ouais. Et c'est sorti sur un la titre de Winter. Circonstance. Oui, bien sûr. Puisque bientôt, le 21, ça sera... Winter. Bien, bravo. Winter is coming. Winter is coming, ouais. Comme disait l'autre. Ouais, dans le mur, là. Il a été dans le mur. Il a fini dans le mur, les gars. Et ouais, bah ouais, quand on attend l'hiver, hein, c'est comme ça. Nous allons continuer avec des nouveaux groupes. Hein, c'est surtout des Anglais. Qui nous viennent et qui s'appellent Inglorious. Et là, on a des places à vous faire gagner. Attention, les gars. Attention. Inglorious. Hein, c'est chaud patate. C'est chaud patate au 06 81 01 28 34. Quel est l'âge de Tom ? Alors ça, il a pas 34 ans, c'est tout ce que je peux vous dire. Quel est l'âge de Tom ? Hein ? Elle est pas mal celle-là. Ah, elle est bien, elle est bonne. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses ? Ah oui, elle est belle, elle est belle. Elle est alors vous nous bon envoyez courage, son âge au 06 81 01 28 34. De ce que je sais de ceux qui sont récurrents, il y en a pas beaucoup qui savent. Non, il n'a pas beaucoup. Hein ? Bon, et, ouais, c'est et puis après on demandera la pointure de chaussures de Phil. Eh! Je dois l'avoir. Elle est comprise entre 2 et 56 pouces. 2 pouces. Allez, Inglorious tiré de leur album Two. Ouais. Le titre que je vous propose de découvrir ce soir est Hell or High Water, sorti le 12 mai dernier. 2017, hein, chez Frontiers. C'est leur deuxième album, 12 titres, et dont plus 7 titres live qui sont édition limitée. Et c'est un quartet de hard rock formé en 2015 qui nous viennent de l'autre côté de la Manche, des Outre-Manchots. Ouais, exactement. Voilà. Et ils seront pas tout seuls au Forum de Vauréal non, demain. Ils seront c'est pas demain, avec... c'est le 17. Le 17, ça doit être dimanche. C'est oui, ça ? Parce que j'ai dit demain, moi. Ouais, non, c'est le 17 ah, à oui, Vauréal. C'est le 17, excusez-moi. Dimanche, allez faire un tour à Vauréal, ça vous fera du bien. Et ils seront avec Drainalize. Yes. Ça te va ? Yes. C'est bon ? Ouais. Et donc, il y a des places à gagner au 06 81 01 28 34. Donnez l'âge de Tom. J'ai c'est ans. Simple. C'est simple. Pas vrai. Je sais. Ouais, il a plus de 10 ans. Et moins de 100. J'espère pour lui, en tout cas. J'en ai 10 dans la tête. On enchaîne avec Molly Hatchett, les Ricains. Yes. Alors, Back in USSR pour des Ricains, c'est vachement bien. C'est une reprise, bien sûr. C'est une cover des Beatles. Et c'est sur l'album Regarding the Axis qui était sorti en 2012. Chez qui ? Chez Beer Family Records. Voilà, Beer Family. La famille des ours records. Ouais, ils inventent n'importe quoi. C'est du rock sudiste. Ils se sont formés en 1971. Jacksonville. Et ils seront en concert le 21. Jacksonville. En anglais, tu dis Jacksonville. Oui, Jacksonville. ça se dit Jacksonville, tout le temps. Ville, c'est du français. Non, mais de toute façon, ville, ça se dit pas ville. Ça se dit town. Donc c'est Jacksonville. Alors. Ah, oh, là, celui-là, il m'énerve. Il m'énerve. Oui. Oui. Et ils seront au Tremendo le 21 décembre. Ouais, le jour de l'hiver. Ouais. Hein, et ils seront pas tout seuls. Ils seront avec qui? Ils seront avec Desperados. Avec des Z. Desperados avec des Z. Desperados. Voilà. Donc c'est. Ouais, on avait envie de passer une petite reprise. Puis en plus, elle est sympa celle-là. De Molly Hatchett. On enchaînera ensuite avec Helios, groupe français, qui nous sort son nouvel album, qui est le deuxième, si je ne m'abuse, et qui contient 11 titres. Oui, mais ça, c'est un album qui est du mois de 2015, mon cher Phil. Non, j'ai dû me planter. Ah, d'accord. Ah bon, non, non, peut-être pas. Bah, je sais pas. Tu veux que j'aille vérifier ? Non, non, non, vérifie pas, c'est moi qui ai dû me planter. Ipso facto, hein, et le titre s'appelle Femme de verre, du groupe Helios. Et ils chantent donc en français. Ils nous viennent de Paris. Non, ils ont peut-être sorti un troisième album qui doit arriver, et puis je l'avais pas, donc j'ai passé le deuxième, c'est tout. Oui, parce que celui-là déjà, tu le notes en 2015, mais il est sorti en 2016. Enfin, ouais, donc moi, c'est j'ai ça. En 2016. C'est ça, c'est ça, c'est 2016. C'est 2016. Et ouais, donc voilà, c'est tout. Et donc c'est bien le dernier album. Le groupe s'est formé en 2009, et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est un quartet d'électro. Ouais, électro-métal, on va dire ça. Ouais, ouais. Et ils seront en concert, mon cher Tom, et on a des places à vous faire gagner également. Et re-oui! Alors, concert quand ? Concert le 16 décembre. Samedi ? Oui, au bateau phare. Au bateau phare, avec. Ou anciennement bateau feu. Avec Phantom Elight Band, Angel Nation et Molly Baron. Molly Baron ! Ouais, ça va être un concert qui va commencer vachement tôt parce que le bateau phare, si je ne m'abuse, à 23h, tout est fini au niveau des concerts. Donc en gros ça va être 18h, 18h30. Ouais peut-être, en tout cas c'est des places à vous faire gagner au 06 81 01 28 34. Et là il faut nous donner la pointure de Philemol. La pointure de chaussures, hein. On parlait pas d'autre chose, hein. Parce que ça, seules celles qui m'ont essayé peuvent dire de quelle pointure elles chaussent. Hein Tom, c'est pas vrai? C'est pas vrai. Je sais pas, moi j'ai pas essayé. Alors il y en a ça rentrait pas, hein. Je vais vous le dire, ça rentrait pas. On est donc on a rentré autre chose. Et voilà. Sur ce, on va vous laisser en musique parce que je crois que j'ai fini de présenter tout le monde. Ouais, on va arrêter de dire des conneries. Ouais, et puis on va surtout attendre vos SMS, vos images, vos tout ça, vos joyeux anniversaires parce qu'on adore ça. Et on vous laisse avec Inglorious et on se retrouve tout de suite après. Musique. Call me. De retour dans les studios, vous êtes toujours à l'écoute du Rock for Show et nous fêtons nos 34 ans. Happy birthday to you, Rock for Show. Il a vraiment une voix de châtré, hein. Il veut nous faire croire qu'il y a des filles ici, mais non, c'est Tom. Alors, cher auditeur, tu avais raison, il n'a pas 10 ans d'âge mental, ce n'est pas possible. Non, Tom, tu n'as pas 10 ans d'âge mental parce que quelqu'un nous a dit qu'il y a 10 ans, on était déjà mature. Eh bien, on va saluer Chris, on va saluer Ludo, on va saluer Alexandre, on va saluer Maxime, on va saluer... Il n'y a que des mecs qui nous ont envoyé des petits messages ce soir. C'est... Où sont les femmes, hein? On va saluer... Non, il y a Céline aussi, qui nous a souhaité un bon anniversaire. Céline, elle n'a pas trouvé mon âge. Non, elle n'a pas trouvé ton âge. Par contre, Ludo n'a pas trouvé ton âge. Tous ceux qui connaissent Céline, ils ont... Ouais, Chris n'a pas trouvé ton âge. On a dit, hein, c'est entre 10 et 100 ans, en sachant qu'il n'a pas 100 ans et qu'il n'a pas 34 ans. J'ai pas l'âge de l'émission. Voilà, il a pas l'âge de l'émission. L'émission a 34 ans, il n'a pas l'âge de l'émission. Par contre, Inglorious seront toujours en concert au Forum, à Vauréal. Ça, ça change pas. Et nous avons toujours des places à vous faire gagner au 06 81 01 28 34 si vous nous donnez l'âge exact de Tom. Enfin, l'année, hein. Ne nous donnez pas les mois, les secondes. Parce que dans, et tout ça, dans quelques jours, ça va changer. Voilà, ça va changer bientôt, mais non. Hein. On veut donc son âge. Voilà, donc Inglorious, pour gagner des places pour aller voir Inglorious et Drainolize au Forum à Vauréal, c'est pour dimanche, hein. Autre concert à gagner, il y avait Elioz également, mais entre ça, entre temps, il y avait aussi c'était Molly Hatchet, Molly Hatchet qu'on a entendu, et donc Elioz qui seront en concert c'est quand c'est le 16, c'est samedi. Et eux, c'est au Bateau Phare, et ils seront avec Molly Baron qu'on entend en contreneur. Ce groupe-là, c'est excellentissime groupe. Avec le titre Incognito en fond sonore. Ouais, et c'est vraiment très très bon comme groupe. Allez les voir, on a été les voir nous. Il y aura également... Et je pense que le concert au Bateau Phare ne sera que meilleur que ce que nous avions vu parce que... Enfin, c'est pas que... Le chanteur était un peu malade. Oui, et puis la salle, la mécanique... La salle était toute petite. Ondulatoire, si j'ai... Ouais, la mécanique ondulatoire. Si, c'est ça. C'est pas la meilleure salle de Paris. Salle. Voilà. Et le Bateau Phare, moi c'est une salle que j'apprécie bien. Donc, emmenez votre bouée parce qu'il y aura également Phantom Elite Band et donc Molly Baron, comme on vous l'a dit, et Angel Nation. Oui, le Bateau Phare, il a coulé tellement de fois qu'il doit être percé, je pense. Parce que tous les groupes qui vont, ils font ouais, on va faire couler le Bateau Phare, ouais. Allez, 4 groupes à aller voir, donc c'est samedi. On vous rappelle Elion, Molly Baron, Angel Nation et Phantom Elite Band. Elite Band. 06 80 01 28 34. Donc pour ce concert là, faut donner ma chaussure, ma pointure de chaussure. On va passer à quoi? On va passer à la suite de la programmation musicale, bien entendu, avec Operation Mindcrime. Yes, c'est leur album The New Reality, le titre Wake Me Up Before. Non, c'est pas celui-là, mais Wake Me Up quand même. Sorti chez Frontiers, enfin le début décembre, le 1er décembre de cette année. C'est leur troisième album, il contient 12 titres, c'est un septet d'heavy metal. Ouais, progressif, hein, heavy prog. Surtout, le groupe s'est formé en 2014 et on retrouve à sa tête Monsieur Geoff Tett et on retrouve à la batterie Simon Wright. Vous le connaissez, Simon Wright, hein? Batteur de qui? I say. Ouais, ici, Ronnie James Dio. Il a joué un petit peu avec tout le monde, avec Titan, avec UFO. UFO. Avec qui d'autre encore? Titan, ouais, je viens de le dire, Titan. Et puis plein d'autres groupes. Et il a joué aussi avec Rhino Bucket, avec UFO, enfin bref, avec un petit peu tout le monde. Trois albums, c'est peut-être que des CD et peut-être deux EP avant. Il y a peut-être un EP. En si peu de temps. Mais c'est le deuxième album, je pense. Et le premier, ça devait être une démo ou un EP. En 3 ans, c'est bien. Oui, bah, un album c'est par très an. Actif. En même temps, c'est l'ancien chanteur de Queensryche. Hein, yes. Donc il est quand même très prolixe. Et voilà, donc je pense que... Non, voilà. Operation Mindcrime, en tout cas, un excellentissime titre, Wake Me Up. Et puis l'album est vraiment bien, je le préfère à ce que j'avais entendu précédemment, donc vraiment très très bien. Allez, après on rentre dans le brutal, dans le brut de décoffrage. Astral. Ah, ça veut dire Astral. Ça s'écrit Astral, donc E-Y-E-S-T-R-A-L. Astral. Tiré de l'album Beyond. Exactement, et le titre que je vous propose de découvrir Mechanical ce soir. Tears. Mechanical Tears. Ouais, sorti chez Music Record le 14 octobre dernier. C'est un groupe qui nous vient de Rouen. On salue la Seine-Maritime. Ouais. Et je salue ma cousine également. Twitter, on a parlé d'ailleurs de la Seine-Maritime avec le 106 de Rouen. Oui, exact. C'est leur troisième CD. Il contient 8 titres. Quoi d'autre ? Ils sont formés en 2012. Yes ! Et c'est du trash. Ouais, c'est un quintet. Un quartet de trash metal. Bah, on va couper les 4 têtes, tiens. Ouais. Allez, coupez-moi ça. Non, c'est brutal, hein, brutal de décoffrage. Et ensuite, on enchaînera avec Godscrapers, qui eux seront en concert, si je ne m'abuse, mon cher Tom. Oui, à Écubilly le 16 décembre, mon cher Phil, au bar d'Atomic, avec Lumberjacks. Exactement, Lumberjack qu'on avait reçu dans les studios du Rock for Show il y a quelques années. Il y a quelques années, parce que moi je n'étais point. Ça devait être en 2015. L'album s'appelle Getting Through. Et le titre que je vous propose de découvrir ce soir est le titre éponyme de l'album. Sorti chez Do It. Yes, le 5 mai dernier. L'album est le deuxième du groupe et il contient 11 titres. Et ils viennent du sud. Ils nous viennent de Nîmes. Exactement. Des arènes. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? C'est un quintet de hard rock. Ils se sont formés en 2008. On envoie la musique, on rappelle le numéro de téléphone peut-être ? 06 80 01 28 34. Donc deux questions, mon âge. Si vous ne le savez pas, c'est pas grave, c'est tant mieux même. Vous pouvez le chercher quand même. Ouais, cherchez-le bien parce que. Ouais. Voilà. Et la pointure de chaussures de fil. Et là, c'est pareil, si vous voulez la chercher. Et là, vous raflez des places de concert hein, pour aller voir Alioz et pour aller voir. C'était qui déjà ? Inglorious. Inglorious, voilà. Allez, bon, on voit la musique. Allez, dépêche-toi un peu là. Allez, zou. I paid the price. crunching, metal crunches. Shabba! anniversaire. Attends, c'est la fête ce soir. Ouais, c'est la joyeux fête. Anniversaire. Oh ouais, joyeux anniversaire, Rockford Show. 34 balais. Oh là là là là. Bon, on a eu un auditeur qui a trouvé l'âge de Tom, mais on peut pas vous le dire parce qu'il y a encore des places à gagner au 06 81 01 28 34. Mais on a déjà deux auditeurs qui nous ont donné l'âge de Tom. Et à eux deux, bah, ils ont gagné des places. Ah, alors, dépêchez-vous si vous voulez gagner encore des places pour aller voir. Et la pointure de fil aussi a été trouvée, mais vous pouvez encore gagner des places. Ouais, ouais, mais il y a encore des places à gagner pour la pointure de fil. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Bah, c'est les concerts de Helios, Molly Baron, MF Crew. MF Crew. Et puis. Non, pas MF Crew. Il n'y a pas de place pour MF Crew, mais c'est. Qu'est-ce que tu racontes? MF Crew est en concert. Voilà. Non, les autres places, c'est pour Inglorious au Forum de Vauréal. Oui, voilà. Très cher. Et ça, c'est mon âge, ça. De quoi, le Forum de Vauréal? Oui. Oh non, pas vraiment, non. Divisé par deux, par trois même. Hein. Ouais, par trois. Qu'est-ce que et je voulais dire? Pourquoi pas par quatre? Non, non, trois, ça suffira. Alors, on vient d'écouter Operation Mindcrime. C'était suivi de Aistral, putain, c'est dur à dire, mais c'est Aistral, voilà. Et on a fini avec Gutscrapers. Yes, ce que vous entendez en fond sonore, mon cher Tom, s'appelle... The Night Flight Orchestra. Et ils seront en concert... Au nouveau casino, le 16 décembre prochain, à Paris. Donc, samedi. Oui. Voilà, le concert est bien chargé, je crois. Mm-hmm. Pas complet, mais je crois bien chargé. Donc ne ratez pas The Night Flight Orchestra. Ça fait longtemps, hein, on vous en a passé quand même. Je crois que sur l'année, c'est l'un des groupes qu'on a le plus passé, The Night Flight Orchestra. Alors soit en fond sonore, soit en morceau entier, mais c'est l'un des groupes qu'on a le plus souvent passé. Marrant. Quand j'ai regardé tous les conducteurs, ça m'a sauté aux yeux et ça m'a fait mal. Presque crevé un œil. Ça t'a pas sauté aussi parce que surtout tu l'écris en majuscule et qu'il est vachement long, donc du coup il prend beaucoup de place et du coup tu ne on le remarque que lui. Et du coup on le remarque. Je pense que lui. C'est plutôt ça. Je pense que ça doit être ça. On l'a pas dit, enfin on l'a diffusé beaucoup mais pas énormément comparé à assez doux. Et tu sais quoi? On va passer un groupe qui est pour toi. Assez donc doux. C'est For You Porn. pas mal, le jeu est pas mal. Elle est pas mal, hein. Vous enlevez le For You. Vous avez plus que Porn, c'est le nom de groupe qu'on va entendre juste après avec le titre Sunset of Cruelty Master, extrait de leur album The Ogre Inside. Ouais, c'est sorti chez les disques du Rubicon le 20 octobre dernier. Moi je prends le Ruby, toi tu prends le reste. Ah, moi j'aime bien aussi, ouais. Pas de soucis. 9 titres sur cet album. Le groupe nous vient de Lyon. Oui, monsieur, dame, Lyon. Avec la Rosette. Hein, ça tombe bien avec Porn, Rosette et Rubicon. Enfin, ça va, quoi. Moi je trouve que tout ça se tient. C'est un quintet de métal industriel. Ils se sont formés en 1999 et ils nous sortent leur nouvel album. On enchaînera ensuite avec The Wealthy Hobos. Alors là, c'est du punk rock, un peu. Enfin, punk, ouais, punk rock, on peut le dire. L'album s'appelle, mon cher Tom. Pieces of Chic. La pochette est sympa. Pieces of Chic. Ce sont des Parisiens. L'album est sorti le 17 novembre dernier. C'est un trio rock blues rugueux. Qu'est-ce que tu appelles rugueux, mon cher? Bah, tu sais, un peu comme ce qu'on a entendu là tout à l'heure, tu sais, la voix, toi, un peu. D'accord, tu oui, vois ce que okay, je veux dire exact, hein ça accroche. Exactement. Le titre que l'on va écouter s'appelle Smoke 'em All. Yes! Smoke 'em All Down, bien entendu. Ils seront en concert à la Mécanique Ondulatoire. Tiens, la salle dont on parlait tout à l'heure. Tout à l'heure. Le 18 janvier prochain à Paris. Donc l'année prochaine. Voilà. Ouais, on aura le temps de vous en reparler, je pense, d'ici là. Et on finira cette petite plage musicale avec Noidem, sorti chez nos amis de Do It. C'était sorti début du mois, le 5 décembre dernier. Et l'album s'appelle A Time Will Come. C'est un EP 4 titres en fait. Et le titre qu'on va écouter, Welcome Home. Bah ouais, on est bien chez toi, Rockford Show. Si je ne m'abuse, Julien. Comment ça, Julien? Julien, le batteur de Noidem. Ah oui, si de Noidem. S'il écoute le Rockford Show, si ça lui arrive, je te salue. Formé en 2005, c'est une punk rock. Paris, région parisienne. Ouais. Non, c'est eux qui sont punk rock, je me suis planté tout à l'heure. T'as raison, tout à l'heure c'était du blues, blues rock rugueux. Ouais, c'est ça. Et eux, c'est des punk rockers. Yes, yes. Et Welcome Home, ouais, c'est ça que je voulais dire. Welcome Home, on est bien à la maison avec le Rock for Show. Welcome Home, Rock for Show. Welcome Home for You. C'est quoi, hein? 34, c'est ça? 34 years old Rock for Show. Voilà, on est très content. On vous remercie pour tous vos petits messages que l'on a reçus. On est vraiment content pour ça. Et on vous envoie de la musique. Donc on, comme on l'a dit, ça commence avec Porn. Ah non, ça c'est l'anniversaire, ça. Happy birthday to you. Happy birthday, oh yeah. On to you. Bon, on repart sur choses sérieuses. Allez, c'est parti, Porn. We'll be right back. Mumbo. De retour dans le Rock for Show pour les 34 ans du Rock for Show. Non, on revient pas pour les 34 ans, on est là pour essayer les 34 ans du Rock for Show, voilà. Ouais. De retour pour les... Non, moi je reviens pas juste pour les 34 ans. Si, après déjà, on se barre, on se casse, après déjà, il n'y a pas de gâteau d'anniversaire, il n'y a pas de bouteille de champagne. C'est pas faux, c'est pas faux. On attendait que les auditeurs nous l'amènent et personne n'est venu. On nous aime pas, je crois que c'est ça. On va peut-être arrêter après cette 34e année et on arrête tout. Voilà, on arrête tout, c'est qu'est-ce que t'en penses? Le Rock for Show, c'est fini. On va même pas jusqu'à Noël? Non, c'est fini, on arrête là. On coupe tout. Allez, Karma to Burn que vous entendez en fond sonore, tiré de leur album. C'est quel album celui-là? J'ai pas osé couper Mountain trop. Tsar. Oui. Excuse-moi, j'ai pas osé couper trop longtemps parce que sur le web, on peut couper en 5 secondes. Oui, non, non, donc, c'est pour ça. Non, puis il faut pas faire peur à nos auditeurs quand même. Rodeo Star, SPV, c'est le label qui a sorti cet album de Karma to Burn. Enfin, c'est même pas un album, je crois que c'est un EP, je sais plus. Et c'est sorti en 2016. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? C'est un trio de stoner, bien entendu, formé en 1994. Ils sont de X-Ville. Tu vois, encore une fois là, X-Ville. C'est comme Chaville ou comme comment ça s'appelle, Souriville. Tu te rappelles de Souriville? Ça me parle. Souriville. Et il y a Smallville. Oui. Alors, on oui, dit pas Smallville. Non. Hein? Bon, Smallville. Voilà, et le groupe. Ils nous ont piqué ça. Ouais. Karma to Burn. Karma to Burn, yes, sera en concert, mon cher Tom. Oui, je te laisse le 23 décembre à la Mécanique Obligatoire. Eux aussi. C'est pas la même date, hein, je vous rassure. Tout à l'heure, c'était The Wesley Hobos qui sont en concert à Mécanique Ondulatoire le 18 janvier. Mais là, on parle du 23 décembre de cette année. Exactly. Et ben, on va finir cette émission bientôt. Hein. Mais oui, déjà, on va vous réannoncer que MF Crew et Sailou. Alors, MF Crew sera au Bus Palladium. Demain. Hein, demain avec Molly Baron. C'est ouais. Ça non, non, non, c'est pas eux. Non, Molly Baron, on mélange tout là. Non, non. MF Crew, donc c'est demain. Yes. Au Bus Palladium. Avec Graceful. Voilà. Graceful, et puis il y avait un autre groupe. Non, j'ai juste. Si, Pink. Pink. Ah, toi tu as peut-être, mais moi j'ai pas. Ah, Pink ah, Fireball. Oh voilà. là, faut tout lui dire. Exact. Pink Fireball. Et Sailou, eux, ils seront donc au Dr. Feel Good, rue Quincampoix. Voilà, le célèbre Dr. Feel Good pour leur release party de leur album qui s'appelle Motel. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Bah, ils étaient là la semaine dernière, ils ont fait une session live. Et ce soir, on va vous passer un autre titre de l'album Motel. Et le titre, mon cher Tom, s'appelle Stalking My Joe. Non, My Prey. Oh là là là là. Stalking. Ah non, excuse-moi, My Prey. Pourquoi j'ai dit My Joe? Ouais, parce que t'es parce que j'ai hein. La souris qui est cachée devant le. Voilà. Parce que, oh, parce que ils avaient raison. Ton âge mental n'est pas 10 ans. Il est moins que ça. Sailou, ne les ratez pas. Hein. Pour ceux qui n'iront pas au Bus Palladium, allez au Dr. Feel Good. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre la semaine prochaine? Émission spéciale best-of. On sera en direct, hein, attention. Mais c'est les best-of des albums 2017. On va en mettre un, on va en parsemer. Ouais, et on aura quelques invités avec nous qui viendront nous parler de leurs albums, de ce qu'ils ont aimé également. Des personnes qui gravitent autour de nous et de la musique. Ouais, des gens qu'on aime bien. Et des oreilles aussi. Ouais, ouais hein, surtout les oreilles. Pour un, surtout les oreilles. Qu'est-ce qu'on avait d'autre à vous dire? On a autre chose à vous dire, Tom? Ben ça. Ah bah oui, joyeux anniversaire Rock for Show. Hein. Et puis juste après, donc Sailou. Voilà, et on se retrouve pour se dire au revoir après Sailou. C'est bon? Ça va pour toi? Oui. Allez, on laisse. Bon anniversaire Rock for Show. Happy birthday! take your prey while your saviors pray and you walk their way. De retour dans l'émission pour se dire au revoir, à la semaine prochaine. See you last next week. Next week. Next week. Des doigts coupés. Ouais, plus tu fais de la pub maintenant pour le chocolat en poudre. Next week. Ouais, Nesquik, alors donc la semaine prochaine, j'espère que vous écouterez l'émission parce que c'est un spécial best-of 2017 des CD sortis en 2017, de ce qu'on a aimé, ce qu'on a préféré. Ce sera pas vraiment ce sera pas vraiment ce sera pas une 100%. Non, déjà ça sera pas une 100%, on aura des invités avec nous qui viendront nous proposer aussi ce qu'ils ont aimé eux en 2017. On vous parlera aussi des concerts qu'on a vus. On pourra écouter du rap. Non, ça hors de question. Ni de rap, ni de techno, ni de house, ni de. Ou alors de la house de couette à ce moment-là. Mais pas de. Voilà. Que du métal. Ah bah des rétros Tomo Satanasus. Allez, on se dit à la semaine prochaine. C'était rock, c'était fort, c'était chaud. C'était le Rock for Show. Et on vous laisse avec Nevermore pour la disparition du chanteur de Nevermore, Warlden. Bye bye, à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Salut. Stay metal. changing colors and waves until I'm dressed.